La chambre d'hôtel, une enquête de Maurice Parent par Jules Lhermina. Chapitre 1er. J'ai toujours eu, je ne sais pourquoi, une tendance à m'intéresser aux procès de cour d'assises. Je ne suis certes pas seul à nourrir cette curiosité, et je ne prétends pas non plus par là justifier l'étrangeté, d'autres disent l'inconvenance, de ce goût exagéré. Je le constate et rien de plus. Pas un procès de quelque importance ne se plaide sans que je sois immédiatement à l'affût des moindres détails, des plus insignifiantes particularités. Dès que l'affaire est entamée, je me forme une opinion, je discute l'accusation, j'établis les plaidoiries, je devance le verdict, et se met une réelle satisfaction d'amour-propre lorsque je ne me suis pas trompé. Voici une affaire, disais-je ce soir-là à mon ami Maurice Parent, qui ne donnera pas grand-peine à messieurs de la cour. De quoi s'agit-il? Écoute le récit sommaire. Un étudiant, nommé Beaujon, a assassiné par jalousie un de ses camarades d'études, De Faudon. La justice a retrouvé tous les fils de l'affaire. C'était mieux que jamais le cas de dire « où est la femme ?» et il n'a pas été difficile de la découvrir. Je jetai à mon ami le journal que je tenais à la main en ajoutant « procès banal ». Maurice regarda ces quelques lignes concernant l'affaire, puis, repliant le journal, « Ainsi, me dit-il, pour toi, ces renseignements donnés peut-être à la légère te suffisent et ton opinion est faite. Puisque le doute n'est pas possible, je ne m'en préoccupe d'ailleurs pas. C'est un de ces accidents de trop peu d'importance pour qu'il s'impose à mon attention. » Maurice réfléchit un moment. « Voilà, reprit-il, une des plus singulières dispositions de l'esprit humain. Dès qu'un événement se produit, un point frappe, commande aussitôt l'attention, et de ce point, souvent secondaire en réalité, on fait le pivot de toute une argumentation. Il suffit qu'un souverain ait une fois laissé échapper un mot de bienveillance pour que le nom de juste ou de généreux s'attache à son nom. C'est ainsi qu'Henri IV est devenu le père du peuple, de par la poule au pot. Et de même en toute chose. Cette observation s'applique tout particulièrement au procès criminel. C'est une circonstance qui ne présente le plus souvent aucun intérêt sérieux. Vous bâtissez tout un système de déduction et votre décision répond non pas à l'ensemble des faits véritables, mais à la suite d'idées qu'un simple détail a éveillées en vous. Il est cependant des cas où l'évidence est telle que ce serait une folie que de se refuser à la constater. L'évidence prétendue est la source même de toutes les erreurs. Ces affirmations me piquaient au vif. J'en sentais la justesse, mais ne voulais point m'y rendre. Si bien que je proposais à Maurice d'assister au procès de Beaujon, certain que j'étais de réduire ses théories à néant, par la simplicité même de l'affaire, et l'impossibilité où il se trouverait nécessairement de discuter cette évidence qu'il niait. Pendant que nous nous rendions au palais, j'escomptais déjà le plaisir que j'aurais plus tard à confondre ses théories. Il m'écouta longtemps. Seulement un sourire soulevait sa lèvre. Je m'impatientais de cette ironie latente. Il reprit tout à coup sa physionomie sérieuse. « Mon cher ami, me dit-il, je vous affirme que dans la plupart des cas, les accusés sont condamnés ou acquittés non en raison des circonstances réelles de l'événement auquel ils se sont trouvés mêlés, mais bien d'après un système que bâtit à son propre usage soit l'accusation, soit la défense. L'esprit humain est ainsi fait que l'accusé, alors même que son sort dépend d'une franchise absolue, cache volontairement une série de détails, qui, pour paraître insignifiants, ne constituent pas moins le plus souvent le canevas réel de l'affaire. L'amour-propre est le plus fort, mais un amour-propre mesquin et étroit. L'homme avouera avoir frappé sa victime, mais niera, par exemple, qu'elle lui reprochait sa laideur ou un défaut caché de constitution. Jamais il ne fera connaître de lui-même une circonstance qui le rendrait ridicule. Il préfère s'avouer criminel. Ceci est un des côtés de la question. Il peut arriver encore, et le fait se produit fréquemment, que ces circonstances soient inconnues à l'accusé lui-même aussi bien qu'au ministère public. Dans tout fait, quel qu'il soit, il se trouve des points accessoires, dont l'influence latente n'en a pas moins de puissance. Les acteurs du drame la subissent sans l'analyser, sans en avoir même conscience. D'où vous concluez ? D'où je conclus que si le coupable est condamné pour le fait matériel, brutal, la connaissance de la vérité complète pourrait le plus souvent modifier le verdict du jury, soit dans le sens de l'aggravation, soit, au contraire, dans le sens de l'acquittement. Encore un mot. En France, le système des circonstances atténuantes n'est point basé sur un autre raisonnement. On a laissé à la conscience des jurés l'appréciation de circonstances dont la matérialité ne s'impose pas. Nous étions arrivés à la cour d'assises. Maurice redevint grave et silencieux. Je me laissais guider. nous étions entrés des premiers. Aussi pûmes-nous choisir nos places. Ainsi qu'on le sait, le tribunal étant rangé sur une estrade, au fond de l'hémicycle, l'accusé se place à droite, ayant devant lui son avocat. À gauche, le procureur général ou son substitut. Plus en avant, les jurés. Devant la cour, l'enceinte réservée aux témoins. Au milieu de cet espace laissé libre, la table chargée des pièces dites à conviction. Maurice se fit expliquer ces détails avant l'ouverture des débats. Plaçons-nous de telle sorte que nous puissions voir et l'accusé et les témoins, seuls acteurs dont l'observation nous soit utile. Il est malheureux que les témoins ne doivent nous apparaître que de dos. Mais cet empêchement ne constitue pas une difficulté aussi importante qu'elle le paraît au premier coup d'œil. Dans une affaire d'où la passion semble devoir être exclue, le seul point à noter quant aux témoins est leur degré d'éducation et d'intelligence. Nous devons pouvoir jeter un regard sur leur physionomie au moment où ils se rendent à la barre. Puis l'examen de leur costume fera le reste. Nous nous installâmes donc, à gauche du tribunal, auprès de la tribune des jurés. De là, nous pouvions voir en plein le visage de l'accusé. Après les préliminaires d'usage, l'assassin fut introduit. Le mouvement ordinaire, parti de curiosité, parti d'intérêt, se manifesta dans l'assistance, compacte et composée en majorité de dames, dont quelques-unes appartenaient à ce qu'on est convenu d'appeler la plus haute société. Rien de plus insignifiant d'ailleurs que l'accusé. Il se pouvait définir d'un mot, un beau garçon. Des cheveux châtains bouclant naturellement, pommadés et séparés par une raie irréprochable. De grands yeux, trop bien fendus, assez longs. Regard sans expression particulière. Une barbe d'un beau châtain, taillée en éventail, peignée et frisée. Le nez droit, un peu fort. La bouche encadrée par une moustache assez fournie. La lèvre inférieure un peu épaisse. Le teint très clair. En résumé, une de ces têtes comme on en rencontre à chaque pas. Rien à signaler au point de vue de l'expression, ni en bien, ni en mal. Pour costume, redingote noire, gilet montant, linge très blanc, col rabattu, dégageant le cou. Bonne tenue, point de fanfaronnade, mais aussi peu de fermeté. Sur tous ses traits, dans tous ses gestes, une sorte d'inquiétude étonnée. Une grande politesse pour les gendarmes. L'avocat s'est retourné pour lui parler. L'accusé rougit comme s'il eût été surpris de cette condescendance. Le silence établi, le jury constitué, le greffier donna lecture de l'acte d'accusation.